être en allemand se dit sein. Ça s'écrit S-E-I-N. Mais le S qui précède une voyelle en début de mot se prononce toujours z en allemand. Donc on a sein, sein. À vous, comment dit-on être? Sein. Sein, c'est ça. Donc le S qui précède une voyelle en début de mot se prononce toujours z, exactement comme le S de zi. Donc c'est sein, sein avec le son z. Puis ei, comme quand on se fait mal, et n, sein. Encore une fois, être se dit sein, sein. Quand se dit wann. Pensez que quand vous posez la question quand, vous ouvrez en quelque sorte la vanne des réponses possibles. Quand? Hier? Aujourd'hui? Etc. Donc, quand, c'est wann. On ouvre la vanne. Wann s'écrit W-A-2-N. On retrouve le W qui se prononce V. Wann. Wann. Tout comme was, c'est un de ces petits mots commençant par W qui servent à poser des questions. Alors, comment diriez-vous « Quand voulez-vous être ici ?» Wann... Oh, le mot pour « ici » est « hier ».« Hier » s'écrit exactement comme le mot français « hier ». H-I-E-R. Mais se prononce « hier » avec un H bien aspiré. Comment dites-vous « ici » ? Hier. Hier. Hier. Bien. Hier. Alors, quand voulez-vous être ici? Avec quand on ouvre grand la vanne? Wann essen Sie hier? Ça veut dire quand mangez-vous ici? Ah ouais. Wann. Wann, oui, quand? Voulez-vous être ici? Wann wollen Sie hier sein? Bien. Wann wollen Sie hier sein? Et comment dites-vous? Quand voulez-vous manger ici? Wann wollen Sie hier essen? Bien. Wann wollen Sie hier essen? Encore une fois. Comment dit-on « voulez-vous » ? Wollen Sie ? Wollen Sie ? Et « veuillez s'il vous plaît » ? Veuillez, c'est... Wollen Sie ? Wollen Sie. Oui, donc « wollen Sie », ça peut vouloir dire « voulez-vous » ou « veuillez ». Et maintenant, « pouvez-vous » se dit « können Sie ?»« Können Sie ?» Können s'écrit K-O-Umlaut, c'est un O surmonté de deux points, comme un tréma, et ça donne le son E, comme dans cœur. Können. Können. K-O-Umlaut, deux N, E-N. Können Sie. Können Sie. Pouvez-vous? Alors, à vous de le dire. Können Sie. Können Sie. Encore une fois? Können Sie. Oui, können Sie. Et comment dites-vous venir? Kommen. Kommen. Ça s'écrit K-O-2-M-E-N. Kommen. Donc, pouvez-vous venir se dira? Können. Können. Können Sie kommen? Bien. Können Sie kommen? Können Sie kommen? Et encore une fois, comment diriez-vous « voulez-vous venir ?» Wollen Sie kommen? Bien. Wollen Sie kommen? Et comment diriez-vous « veuillez venir s'il vous plaît ?» Wollen Sie kommen? Wollen Sie kommen. Et maintenant, comment diriez-vous « voulez-vous manger avec moi ?» Wollen Sie mit mir essen? Bien. Wollen Sie mit mir essen? Et comment diriez-vous veuillez manger avec moi s'il vous plaît? Wollen Sie mit mir essen? Oui, wollen Sie mit mir essen. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre ces deux phrases. Quand vous dites « Voulez-vous manger avec moi ?», vous posez une question. Tandis que quand vous dites « Veuillez manger avec moi, s'il vous plaît », vous faites une demande polie. Donc, comme en français, pour dire « Voulez-vous manger avec moi ?», il faut indiquer par une inflexion de la voix que vous posez une question. Alors, encore une fois, comment direz-vous « Voulez-vous manger avec moi ?»« Wollen Sie mit mir essen ?» Bien. « Wollen Sie mit mir essen ?» Là, vous attendez une réponse. Oui. « Ja » ou « Non ». « Nein ».« Wollen Sie mit mir essen ?» En revanche, si vous dites à quelqu'un « Veuillez manger avec moi, s'il vous plaît », ce n'est plus une question. Et ça donne donc… « Wollen Sie mit mir essen ?» Bien. « Wollen Sie mit mir essen ?» Vous pouvez même ajouter « Bitte ».« Bitte » signifie « S'il te plaît, s'il vous plaît ». En réalité, ça veut dire « Je te prie, je vous prie ».« Bitte », qui s'écrit B-I-T-E, veut dire « S'il te plaît, s'il vous plaît ». Le « I » est prononcé très brièvement. « Bitte ».« Bitte ». À vous. Comment dit-on « s'il te plaît, s'il vous plaît » ?« Bitte ».« Bitte ». Bien, donc on a « Wollen Sie bitte mit mir essen ». À vous. « Wollen Sie bitte mit mir essen ». Bien, et si vous voulez dire « Quand voulez-vous manger avec moi ?» Là, vous ouvrez grand la vanne. « Quand voulez-vous… » Wann wollen Sie? Wann wollen Sie? Oui, donc quand se dit wann, W-A-2-N. Wann. Wann indique par lui-même une question. Quand? Wann? Et il n'est donc pas autant nécessaire de forcer l'intonation interrogative, comme auparavant avec wollen Sie. Donc, quand voulez-vous manger avec moi? Wann wollen Sie? Mit mir essen? Bien. Wann wollen Sie mit mir essen? Wann wollen Sie mit mir essen? Voir se dit sehen. Voir, sehen. Ça s'écrit S-E-H-E-N. Et ça se prononce sehen. Sehen. On retrouve le S prononcé Z comme dans Sie et sein. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « Auf Wiedersehen ». Oui. « Auf Wiedersehen ».« Wieder », c'est « encore », de nouveau. Donc « Wiedersehen », c'est « voir à nouveau ». De nouveau voir. Revoir. « Auf Wiedersehen » signifie donc « jusqu'au moment de se revoir ».« Auf Wiedersehen », c'est-à-dire « au revoir ». Donc « sehen », voir. Si vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous ne direz pas « Auf Wiedersehen » car vous ne voyez pas la personne, mais « Auf Wiederhören ». Et bien sûr, « hören » en allemand, c'est « entendre ». Et « Wiederhören », c'est « entendre à nouveau ».